Je dresserai autour du monde des tables et des chaises, des voiles et des nappes, des mets sucrés, des mets salés, des liqueurs de fraises, de framboises, des délices de roses, pour que tu t'enivres de moi jusqu'à la lit. Jusqu'à la nuit, je disposerai tous les sabliers du monde autour de toi pour que le temps s'arrête enfin. Dans un dernier cri d'éternité et de nuage en nuage, les bras, les jambes ailées, de mystère et de joie, nous irons jusqu'à l'étoile fidèle qui ne s'éteindra plus jamais. Je dresserai autour du monde.